parce qu'on commence déjà mal barré dès le départ. Vous êtes tous désespérés, fatigués et affamés. Oh mon dieu. Au moins, vous avez pu récupérer vos armes personnelles. Vous décidez de vous rendre au centre commercial le plus proche pour y trouver de quoi manger. Quelle bonne idée. Oui. Aucune des voitures du parking ne démarre et aucun d'entre vous ne sait comment les forcer. Il va falloir y aller à pied. Oui, logique. C'est con, Y a rien, la radio d'une voiture se met soudainement à grésiller. Une voix étrange en sort, une voix d'homme adulte. Ne restez pas là, la horde arrive. Fuyez. La communication se coupe aussi vite qu'elle est apparue. Un grondement sourd s'élève au moment où vous vous apprêtez à partir. Votre escapade a attiré la horde. Une foule immense de zombies approche lentement, marche lentement dans votre direction. Ils ravagent tout sur leur passage. Ce qui fut votre quartier ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines. Des petits groupes en sortent régulièrement. L'un d'entre eux vous a repéré. Il faut fuir et vite. Donc, pourquoi elle est vachement penchée? Elle est cassée. Donc tu devras mettre la piste numéro 2, s'il te plaît. Ouais, elle est peut-être... Elle est bizarre celle-là. Elle est crassée. Non, elle est tordue, elle est pas cassée. Ouais. Oh, bah c'est pareil. C'est le début de la fin. Donc du coup, rappel, on peut avancer jusqu'à 4 piles. On est obligé de s'arrêter sur une pile dès qu'il y a un zombie. Sauf toi, quand il y en a qu'un, tu peux te barrer, je crois. Ouais. Je peux faire une action de fouille ou de déplacement tant qu'il y a quand il y a qu'un seul zombie dans la zone. Ouais. Donc 4 actions par tour. Ouais. Tout compte une action. Se déplacer, utiliser une arme pour tuer des zombies, rentrer dans une zone de fouille, fouiller, sortir d'une zone de fouille, tout. La vie est chère. Utiliser un objet léger. Ramasser un jeton. Tout. On a droit à 4. Tant qu'il y a des zombies, on peut pas bouger. Sauf qu'il dérive. Okay. Faut qu'il y en ait qu'un. S'il y en a qu'un. Donc pensez bien à faire des fouilles régulièrement pour recharger vos armes. Ok. On peut garder les cartes en main, de toute façon. Hein? Les cartes qu'on pioche, on peut les garder en main ou... Non. Non, tu jettes ce que t'as. Ce et que tu veux pas, tu le mets, on le mettra dans une façon. Faire ça avec un mouchoir. Mais j'en ai pas là. Ils sont là-bas. Oh, les mauvaises. Putain, il y a un zombie parmi nous. Mon oeil, il aurait pas pleuré. Tu viens m'exploser les oreilles. Désolé. Ah, ça y est, elle commence à explorer. Condition du victoire, tous les héros sont arrivés avant la fin de la piste sonore. Tous les héros sont en action où la piste sonore est terminée avant la question humaine. On a des fêtes. Ah merde, je t'en avais une. Pourquoi, tu me bouffes pas. Hein. Pour les cris, un petit piste sonore. J'étais un loup-garou déjà la dernière fois. Moi aussi. Bon, ce sera une carte par cri. Ok. Donc ça, je m'en chargerai. Allons-y. Sauf si c'est moi qui suis en train de jouer, tu le feras. Rapidement. Quand il y a un cri, on retourne une carte zombie. Mm-hmm. Il y a autant de zombies que le nombre marqué sur la carte qui apparaissent sur la case du joueur en cours. D'accord. Hein? Si il y a un cri de zombie, on tire une carte. S'il y a marqué 3 zombies, on met 3 zombies sur celui qui est en train de jouer. Voilà. Ah. Si t'es dans une zone de fouille, ils c'est apparaissent dans la rue, pas dans la zone de fouille. Et dans la rue. Ouais. C'est ce qu'il vient de dire. Pas dans la zone de fouille. Est-ce que j'ai dit dans la rue? Ce qui est beaucoup plus facile parce que nous depuis le début on les faisait arriver dedans. Du coup on se bloquait à chaque fois. C'est super chiant. Quand tu chopes une horde. Ok, bon ils sont combien? 17. Ah! Dans la maison! Bon! Dans la maison! Et ouais, je pense que c'est tout. Faut déterminer qui joue en premier. Plus jeune. Non, c'est quoi dans les jeux? Le dernier qui s'est fait mordre par un zombie. Non, je crois que là c'est plutôt plus stratégique en fait, normalement. Mais bon, là, stratégiquement, il n'y a rien. Vu que c'est le départ, de toute façon, on doit tous avancer et. C'est ça, en fait, c'est surtout s'il y a Will, mais personne n'a pris Will. Faut pas qu'il joue en premier, Will. Ou alors, faut. Ouais, si, qu'il joue en premier en fait. Bon, vas-y, commence, toi. Je commence ? Ouais. Ok. La piste ? Ouais. La piste 2. Elle marche pas. Donc, souvenez-vous bien, à chaque fois que vous faites une insolvabilité 1, je fais ça, 2, je fais ça. Dès que vous avez fini, vous dites suivant ou vous dites un truc pour signaler que c'est au suivant. Je passe. Les fouilles minutieuses, vous prenez 3 cartes. Vous prenez 3 cartes, s'il y a des cartes zombies, vous le dites directement le nombre de zombies quand vous les mettez. C'est pas ça, hein? Ouais, non, c'est fait 6 en 1, mais. Mais c'est pas la 2. Oui. Ah bon? C'était la 1. 220. Oh, il y a une framboise, hein. Quand tu veux. Vas-y, tout le monde il est prêt? Ouais. Non. Attends, c'est Sven qui joue après. Bien. Enfin, on n'entendra pas avec le bon mot, mais pas grave. Suivant. C'est bon? Ouais. Un, j'avance. Deux, je tue 3 zombies. Je fais pas de bruit. 3, j'avance. 4, je tue 3 zombies. Je fais pas de bruit. Suivant. 1, j'avance. 2, je rentre. Ça te sert à rien. Tu peux pas ? Enfin, si, mais ça te sert à rien. Bah, t'es armé. 3, j'avance. Et 4. Et 4, je tue 2 zombies. 3. Si. Non, 2. 2 zombies. Oui, c'est sûr que t'as. Et suivant. Ah, oui. Pas. Non, là tu te bats pas, Manu. C'est... Donc, 1, j'avance. 2, j'avance. Putain, tu 3. Putain, tu 3. Non, les 3, ils étaient morts. Oui, mais je l'ai enlevé. Pardon. 3. Non. 1, 2, 3. Et 4, je rentre. Stop. 1, 2, 3, 4. Je les repousse. Et je les. Et t'as fini tes actions, donc zoomy. Tape. 3. Trop tard, t'en as 3 qui sont sur la gueule. Vas-y, tu peux pas les repousser, tu tombes à terre, tu perds un PV. D'ailleurs. 1, 2, 3, j'en bute 3. Le suivant, je les repousse. 1, 2, je tue 2, 3, je rentre et 4, je prends la loupe. Tu les as tapés avec quoi? Avec les gants. Ok, je suis bien. Suivant. 1, je fouille. Vas-y, prends 3 cartes. Tu dis s'il y a des zombies. Ouais. Combien? 2. Et je prends. Non, mais d'accord, j'ai encore un coup à faire et après je peux l'utiliser. Moi il est cassé là. Et je prends la tondeuse. Ça va faire du bruit, non? Non. Il y a des trucs que t'as pas pris? Il y a que les deux zombies. 3 zombies. Donc une action, deux actions, ben, je tue ces deux-là. 3. Et 4, j'en retue 2. Donc ça peut utiliser 2 fois. Je me relève et je te bouscule. J'avance. J'en tue 2. 3. Avec celui-là. Et j'avance là. Et du coup je peux plus rien faire. Je passe. 1, 2, 3. Je prends mon bouton. Il y a un zombie. Je fais une fouille. 2 zombies. Des munitions. Dans la maison ou dans la rue? Dans la maison. Il y a des munitions à prendre éventuellement. Suivant. Je fais une fouille rapide. Du coup, fouille rapide, je 3. Prends. Rapide. Rapide, ouais. Tu peux prendre ça. C'est quoi ça? Des munitions. Ça te permet de recharger une arme, mais toi, tu peux pas utiliser les armes à feu. Donc ça te sert à rien. 1. J'ai de la chance. En plus, vous êtes 2. Ah oui, merde, t'es là-bas. 1. 2, je tape à main nue, je peux en tuer jusqu'à 2. Tu perds un bébé quand tu tapes à main nue. Ah bah non alors. Utilise le revolver plutôt. Bah revolver. Ouais, c'est quoi ça? Et du coup j'attire un zombie, ouais, non dans... Ouais, il va dans la horde. C'est bon, je l'ai mis dans la horde. Et donc 1, 2, 3 et 4, suivant. Alors, je suis obligé de le tuer. Ouais. Et ben paf. Une action, deux actions, trois actions. Et je vais rester là. Suivant. Je tue les deux qui sont là avec la machette. Je sors, j'avance, ouais. Et du coup je tape 3. Horde. Il y en a 3 qui reviennent à moi. Je vais repousser parce que vous êtes 2, donc ça vous cumule assez. C'est à moi ? Ouais, pardon. 1, 2. Je passe, mais il me faut fouiller. Alors j'en tue 3. Pour 1. Ah, t'as plus tes gants. Tu peux pas bouger tant qu'il y a un zombie. Hein. Ah, d'accord. Mais t'as plus de gants. Et j'ai plus de gants et suivant. 1. Bah, pour. Je tue lui pour un autre. 1, 2, 3, 4, je fouille. 2 zombies. Et je prends un tonfa. Donc ça, je sais pas où ça va. Et suivant. Ok, je rentre, je tape les deux. Hop, je fouille. 2 zombies. Et je prends la tronçonneuse. Donc ça. Et je passe. Ça t'a pris ou pas ? Non, j'ai pas pris. Et du coup, bah, je peux retaper les deux qui sont là. C'est la dernière action. Et toc. Et je passe. 1, je tue lui avec le revolver. 2, je rentre. 3, je prends ça. Trois zombies. Ah. Dedans, hein. Ouais. Non, je sais pas si je fais quoi. Je pense. Un. Et j'en tue un. Deux. Ouais. Ouais, deux. Et je peux rien faire là de toute façon. Donc Tape un menu. Ouais. Donc je tape un menu. Et tu peux te défendre après. Tu peux l'enlever. De défendre parce et que tu peux les repousser. Suivant. J'en tue deux à la tondeuse. J'en tue un autre à la tonfa. Bientôt la fin. 3, 4. Suivant. Du coup, je sors, j'avance, j'en tape 2. Et correct. Et j'avance et j'en. Ça fait 4 déjà, je crois. 4 ? Ouais. Ok, moi je reste là. 1, 2, 3, 4, j'en bute 2, c'est suivant. 1, je rentre, 2, fouille. Fouille, c'est là. Ouais. Ça dépend ce que tu fais. Fouille rapide. Ouais, tu peux, ouais. Tu peux faire une fouille rapide pour prendre un. C'est bien ? Tiens. Je sors, j'en tue un. Avec mon arme, je suis à combien de 3 ? Ouais. Et 4. 1. Pour une action, je le tue. 2. 2. 3 et 4, je fouille. 2 zombies. Ok. Du coup, moi je peux avancer. Oui, je vais prendre le pistolet. J'avance, j'en bute 3. Qui va là. Ça, je l'ai pas pris. Je rentre. Ça, je jette. Et je fouille. Il y a un truc que t'as pas pris. Ce que je t'ai passé juste avant. Ouais. Il y a beaucoup de trucs quand je. Enfin... Pardon. Oula. Je change. Le sécateur, ça zarde et toc. Ça va faire mal. Et du coup, je peux en repousser 4. Il y en a trop. Ok, bah de toute façon, oui, je suis dehors. Ouais, bah, je suis dehors. Ok, suivant. 1, 2, j'en bute 2, je fais du bruit. 3, j'en bute 2, je fais du bruit. 4, j'en bute 2, je fais du bruit. Désolé. Oui, de toute façon. Et suivant. 1. J'en bute 1, 2. C'est 3 et 4. 4 tu fouilles. Non, 4 tu fouilles. Pour une action, je tue les deux. 1, 2, 3. Et je les tue. Pour ma dernière action, je les tue. Okay. Suivant. Du coup, je sors, j'avance, j'en bute 2. Et j'en rebute 1 au dernier. Et du coup, il me reste une, je reste là. Suivant. J'utilise même munition. Suivant. Alors, fouille rapide. Pour 1, je rentre. Pour 2, je fais la fouille rapide. Je prends ce truc là, c'est bien. C'est ultra bien. Surtout que j'ai plus de ça. 1, 2, 3 et 4, je ressors. Je vais mettre ça. Suivant. Tant pis, vas-y, sur moi. Et vas-y, joue. Ok, donc du coup, 1, j'avance. 2, je ravance. 3, j'en bute 2. 4. Ils ont pop sur toi, Guillaume. J'en bute 1. Tu les repousses pas. Hein. Et suivant. Aux deux armes, j'ai 3. Ouais, mais c'est un prank en fait. D'accord. Suivant. 1, je bute au pistolet. 2. Faut que quelqu'un vienne m'aider, quoi. 3. Tu peux te relever, hein. D'accord. 4, j'en bute 2, je fais du bruit. Suivant. 2, 1, 2, 3 et 4, rapide, et je vais prendre ça, je vais prendre un autre, et suivant. Donc je me relève, ça compte une action. Ouais. Deuxième action, je tue les 3, je lance grenade. 3, 4, ça retombe sur 1. 2. Et ceux-là, je les arrête. Suivant. Ok, du coup, je rentre, je fouille. J'utilise la trousse de soins directement sur moi. Donc ça regagne un point de vie, toc. Je peux refouiller du coup. Donc 2, 3 plutôt. Ou putain 4. Et du coup je. Ouais. Du coup je peux les. Sur la côte droite ? Non, c'est à côté. Si, je peux les repousser même si elle est cassée ? Ouais. Ok, bah je les repousse surtout là et suivant. 1, 2, 3, j'en bute 2, je fais du bruit. 4, j'en bute 2, je fais du bruit. Suivant, prochain ordre. 1, 2, j'en tue 2. Enfin, il y en a 3 qui pop. 3, j'en tue 2. Et 4, j'en tue 2. Suivant. Alors, pour 1, j'en tue 2. 2, 3, 4. Suivant. Ok. Donc je fouille pour 1, 3. Et putain, des munitions. Et j'ai pas de problème. Je refouille donc 2. Je prends. Ça sert à pas. Je prends la BAPT. Du coup, je puis. Non, ça c'est sûr. Du coup, j'en bute 3. Et du coup, c'est ma dernière action sur 1, 2, 3, 4. Suivant. 1. J'en tue 2, je fais du bruit. Je viens dans la horde. 3, j'en tue 2 et je fais du bruit. Et j'en tue 1. Et du coup, je fais du bruit, donc j'en mets un père. Et 4, suivant. Suivant. Suivant. 1, 2, 3 et 4, suivant. 1, 2, 3, 4, suivant. 1, 2, suivant. 1, suivant. 1, 2, suivant. Suivant. Putain, mais toutes les armes, elles bien, elles sont là, quoi. Bah oui, c'est moi qui les pioche, et vu que je peux pas prendre d'armes à feu, mais c'est ouf, quoi. Ah Putain, le lance-grenade, en plus, il y a deux munitions, quoi. Le lance-grenade avec les munitions, mais c'est juste un comment régal. La horde, elle débarque quand on tire une carte, c'est non, ça? Non, c'est quand on entend le bruit, quand tu as une carte horde. Wouhou! Mais voilà, il y avait bien une carte horde. Oui, il y en a 8 au total. Non, je dis, c'est quand il y a le bruit. Bah oui, d'accord. Quand il y a le bruit, tu tires une carte. Oui. C'est horde, il y a tout ce qui est là-dedans qui pop. Oui, voilà, c'est d'accord. C'est ça, là, c'est bien la carte. Quand tu fais du bruit, c'est pas très, très bien des fois. Ça va, on est à combien? Ah bah, on sait pas. On a pris quand même vachement de temps. Tu vois, il y avait 20 minutes d'enregistrement. Déjà 5 minutes. Moi je dors là. Mais... Vous voulez continuer? Ouais. Ou quoi? Ouais. J'ai gagné quoi? J'ai le droit de recommencer. D'être en vie. J'ai un petit sac à dos. Ouais. Dora. Donne ça. Sac à dos, sac à dos. Let's go to the mall. Vous avez réussi à prendre de l'avance sur la horde. Youpi. Mais elle n'est pas loin derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous arrêter. Vous approchez du centre commercial. Encore? Avec un petit peu de chance, vous y trouverez un abri, de quoi manger, des équipements. Et le seul problème, c'est que les portes sont fermées. Et du coup, on est coincé dehors. Youpi. Non, faut aller là-bas. Donc, condition de l'auteur, hein, il faut aller là. Ouais. Condition de défaite, on est tous. Pour déverrouiller le cadenas vert, il faut trouver la clé verte qui est parmi un des 4 jetons. Les autres, c'est des jetons 1 comme on a eu tout à l'heure. Ok. Donc, quand vous fouillez, que vous prenez un jeton, vous regardez et vous le dites si c'est la clé ou pas. Sors! Sors! Du coup, question de conne, si le personnage qui a la clé meurt, les autres peuvent aller sur sa tuile et récupérer question. La clé. Non, parce qu'il faut qu'on soit tous au bout. Hein. Ah oui, c'est tous, oui, c'est vrai. S'il y en a un qui est mort, c'est un objet lourd. Ok, tu peux le prendre. D'accord. Tu peux le prendre. Est-ce qu'on peut se battre avec? Tu prends son jeton et tu mets un objet lourd comme ça. Mais du coup, tu peux plus utiliser le reste. Hein. Oui. Si tu veux utiliser tes armes, il te faut utiliser une action pour poser ton objet lourd. Utiliser ton truc et reprendre une connexion pour prendre un objet lourd. C'est très. Peut t'en perdre directement. Très chiant. Et si c'est lui qui a la clé, je sais pas comment ça marche. Tu dois pouvoir, oui. La récupérer. De toute façon, ça va être les 4 qui sont pour avoir les 4 là-bas. Tu as l'air bien ce que tu fais. Il me semble que utiliser la clé, c'est la première action. Sors. Des spéciales. Du temps. C'est des pièces. Ah, oh. D'ailleurs, je t'ai rendu la monnaie sur le pénalergie. Non, c'est pas grave. Je t'ai rendu. Ouais. C'est 30 centimes près. Ouais. Je pense que t'allais les acheter, c'est pas la première fois aussi. Un penny épargné est un penny gagné. Mais je te rendrai quand même. On s'occupe pas d'action. À partir du moment où la personne qui a la clé est sur la tuile, ça enlève le cadenas automatiquement. Ah bah j'ai plus mon argent. T'as vu ce que j'ai gagné? T'as vu me voir aussi. Donc là, il va falloir se séparer. Ouais. Les masques. Donc je pense que le mieux c'est de faire des groupes de 2. Bah qui va avec qui? Mais ouais, faut pas qu'on aille chacun de son côté parce qu'on peut se retrouver bloqué, ça peut être très chiant. Ça va, les 4 pions ils sont au début, ils sont pas on trop éparpillés. On se suit, Gabi et moi, et toi et Lily. Okay. Comme ça on se suit. Ok. On se suit. On se suit. On se suit. Moi j'ai un chat, faut pas que j'oublie d'utiliser. Ah, il a pris le chat. Ouais, parce que ça peut être. Ça peut nous sauver le cul. Le cul. Ouais, grave. Donc, on a un chat là. On balance le chat. Tu tues Kera. Tu balances, Kera. Tu le balances sur le plateau. Je suis pas sûr que ça lui plaise. Non. Non, non mais attaque Kera, ça fait mal hein, par contre. Là, c'est super efficace. Les mains hein. S'en souviennent. Encore. J'ai plus encore les traces. Ça va mieux là. Qui commence? Bah, toi. Ok. C'est quelle piste 2 encore là-bas. Du coup, on va vers où On part de là. D'accord, donc on a deux qui vont là, il y en a deux qui vont là, et après on... Ouais, après il y en a un là et un là. Voilà. Après, pareil, là, il y en a deux qui vont là. Si on a déjà la clé, ou si vous voulez récupérer oui, des jetons fouillants. Ok. Ok, vous êtes prêts? C'est quand vous voulez. Go! Tu nous aides, Kiera? Non. Un, deux, sans but de trois. 3, 4, j'en bute 3, suivant. 1, 2, 3, 4, c'est j'ai la clé. Suivant. Un, plus rapide. 2, 3, et 4. Suivant. Ouais. 1, 2, 3, 4, aussi. Suivant. 1, 2, 3, 4, suivant. 1, 2, 3 et 4, suivant. 1, 2, 3 et 4. 3 zombies. 1 en plus. 2 de dehors, 3 dedans. Et j'ai une trousse de soins. Donc moi la trousse de soins, au lieu de 1 point de vie, je peux en faire gagner 2. Hein. T'as dit suivant. Avec mon perso. Tu peux faire gagner des points de vie. Avec la trousse de soins, je peux en faire gagner 2 points de vie au lieu d'un. Et je peux le... 3. Vous soignez 2 points de vie quand vous utilisez une trousse 4. De soins. Ah, d'accord, je savais pas. Suivant. 1, j'en ai tout 3. 2. 3, 4, je fais. Oh putain, 4 zombies. Je suis bon. 1, 2, 3, 1. Moi je suis un peu dans la merde. Attends, et 4. J'en tue un, mais je fais du bruit, du coup je le mets directement dans suivant. Alors, mais pour 1, je tue les 3. 2, 3, 3, 4. Et voilà. Suivant. Tu me dis jamais suivant. 1, 2, 3, 4. Suivant. 1, je me relève. 2, j'en bute un, je fais du bruit. Et là, je suis un peu 3, seul, moi. J'en bute un, je fais du bruit. Suivant. 1, 2, là. Et suivant. 1, 2, 3, 4. Suivant. Ok, donc j'en bute 2 pour 1. Je fouille. 3. Oula putain, 5. Youpi. Oui, je peux, non, je peux pas fouiller, je suis obligé de taper. Ouais. Du coup, j'en bute 2. Et je rembute 2. Et suivant. Je tape un menu. J'en bute 1. Je fais une fouille. Un zombie. Je prends les deux armes. Maison. Hein. Le zombie. Ouais. Le zombie maison. Je prends les deux armes suivant. Attends. Oh pardon. Je peux aller fouiller aussi. Ouais mais je peux pas fouiller, je peux pas faire de fouilles minutieuses. T'as pas le droit? Non. 1. 2. 3. Pour 1, je le tue, je fais du bruit. 2, 3, je fouille. Un zombie et 2 zombies en tout. Et je prends le katana. Et quatrième action, je tue les deux. suivant. Suivant. Du coup, je perds un point de vie, mais je le bute à main nue. Tu peux fouiller, non? Oui, pardon. Je fouille, du coup. 1, 2, 3. 4 zombies. Putain, il y a un flingue. Ça pas trop aidé. Du coup, on va pouvoir repousser. Oui, ok, 3. Faut revenir. Ouais. Et du coup, je suis en. 1, j'en bute 4. Ça va, 4 coups, du coup, on suit le reste. Et 2, j'en bute 2. 3. 4, j'en bute 2. On va pas avancer. Non. Non. De tuons. 1, 2, 3. Tu peux pas bouger, t'as les. 4. Ah, zut. J'en tue 1 et je fais le bruit. Et voilà. Suivant. Il faut que t'ailles aider. Ouais. 1, 2 et 3, je tue les 2. Vas-y, va aider les autres. 4, j'en tue 2 encore. T'es là, 4, t'étais là. Hein. Ah oui, non. 4, tu vas là. Hein. J'étais pas dans la maison. Non, je sais pas, je suis oui. Ok. Non, j'étais à côté, bon bah, horde sur. Sur toi, t'as pas dit suivant. Ouais. Il y en a 5. Ouais. Donc, suivant. Ok. Du coup, je refouille. Un zombie, putain, que des armes à feu. Tu peux te barrer, il y a qu'un zombie. Ils en ont plus beaucoup. Ouais, mais du coup, c'est quand même chiant. Moi, je pars, je repars, j'avance. Suivant. J'utilise mon chat. 2, je le tue. 3, 4, suivant. 1, j'aurais pas dû faire ça. 1, je fais une fouille rapide, je prends celui-ci. 2, 3, et. On fait rien. 4, j'en tue 4 et je fais du bruit. Hop, suivant. Je me relève. Pour 1, je fais du bruit, je le tue. Enfin, ça fait 2. 3, je rentre. 4, je fouille. 2 zombies. 2 zombies. Et je prends. Voilà. C'est bon, je passe. Suivant. Du coup, 1, 2, 3. C'est ce que j'ai jeté. 3. Et je fouille. Et du coup, ça, c'est ça, tu l'as pas pris. 3 zombies. Non. Ce que j'ai mis là, ouais, c'est ce que j'avais pas pris. Il y en avait une autre. C'était un zombie, là, je crois. Ah. Ouais. 3 zombies. Et suivant. On a la moitié de la piste, hein, déjà. On va peut-être venir aider. Si on peut. Bah, moi, je vais essayer. Toi, tu peux. 1, je prends ça, du coup, ça qui vire. Deux, trois, j'en bute 4. Et 4, j'en bute 3. Je fais du bruit. Il y en a 3 dans le rang. Il y en a 3, je défends. Suivant. Et du coup, je viens aider ou pas? Oui, venez nous aider là. Il faut qu'on se regroupe. 4, Guillaume! De toute façon, lui, il faut qu'il y bute, donc... Ah oui, non, non. Donc, suivant. Pour un, je tue les deux. Oui, 3. 4. Suivant. Il y en a 4 qui t'arrivent. 4 qui m'arrivent dessus. Et à toi, les deux. Et du coup, pour 1, j'en bute 1. Et pour un autre, j'en... je peux soigner ça. Soigner un peu la même zone que vous. Du coup, je me soigne d'un et j'en rebute un. Hop. Et je me barre. Pardon. Et suivant. 1, j'en bute 3, je fais un bruit. 2, 3, 4, je fais une fouille. Je fais ça. Je fais ça aussi. Suivant. 1, 2, 3, je fais une fouille rapide. Tiens. Dans la rue. Et 4 et je stoppe suivant. Donc pour 1 je me relève, pour 2 j'en tue 2, pour 3 j'en tue 2 autres, et pour 4 je me soigne. Donc je me soigne de 2. Suivant. De toute façon oui, je peux rentrer, je refouille. 2. Un zombie. Et je prends la tronçonneuse et il y a des munitions. Et donc du coup pour 1, j'en doute les 2. Et je reçois, ça fait 4. Suivant. 1, je prends les munitions. 2, 3, 4, suivant. J'en tue 2, je fais du bruit. 2, 2. 2. Et j'en tue à nouveau 2. Et je fais du bruit, donc 1, 2, et suivant. Donc 1, je rentre, 2, je fouille. 2 zombies, 4 zombies. Et j'utilise. J'utilise les munitions. Et je refais une fouille. Non, je peux pas. Ben pour une action, j'en bute 2. Et voilà. Sans que j'ai tout fait. Suivant. 1, 2, 3, 4. Suivant. 1. J'en bute 3. Je fais du bruit. 2. Dans la rue, hein. J'en bute 3. Je fais du bruit. Il y avait. Ok. Un bruit. 3, 4, suivant. 1, 2, 3, 4. J'en doute 2. T'es déjà à 4. Hein. Oh non, oui. Suivant. Alors, pour 2, j'en tue 2. Et je fais 2 bruits. 3, 4. Mais c'est pas. Un suivant. Ok. 1. 2, 3 et 4, j'en tue 3. Sans bruit. Un bruit, pardon. Suivant. 1, 2, 3, 4, je prends le temps fort. Suivant. 1, j'en tue 2, je fais un bruit. 4. Et j'en tue 2, je fais un bruit. Et suivant. 1, 2, 3, je fouille. Je fais rien. C'est bien flippant, hein, la première musique. Un zombie. Il reste plus longtemps, hein. Non. Vous avez trop fouillé. Un zombie. Un zombie. T'es là. Il y a une trousse de soins. Arrêtez de fouiller maintenant. Ben ouais, mais. On a attendu. On a chopé que les zombies, mais on avait plus rien. Deux, mais je fous dans la merde, t'es mort. Ouais. Je le tue. Suivant. Et je fais un bruit. 1, je fouille. 3, 2 zombies. Ça c'est arme, ça c'est arme aussi. On s'en fout. Ah oui, pardon, non, je me mets là, je fouille. Je prends les zombies. Et du coup, pour. Je les tue pour 1. Il y en a un qui revient. Et suivant. 1. 2, je le tue autant que ça. De toute façon, c'est mort, on le finira pas. 3, 4, suivant. 1, je rentre, je fais une fouille. 2, 3, et j'en tue 4 normalement, et je fais un 2 bruit. Et j'en sais à combien là, 3 ? Il y en a 4 normalement. Ok. Si t'es rentré, t'as fouillé, t'es ressorti. Donc suivant, voilà. 1, 2, 3 et 4. Suivant. 1, 2, 3, 4. Suivant. 1, 2, 3, 4. Suivant. Fini. Là. Ouais. Non. Faut aller beaucoup plus vite. C'est un échec. Dommage, j'avais la clé. Ah bah là, on avait de quoi finir. Hein. Moi, j'avais de quoi finir. Hein. Je peux faire encore un. Mais un, moi, non, en fait. Deux, trois, recharger et refaire. Je pouvais tout clean, moi, en fait. Il fallait juste rush comme des cons et moi, je butais tout. En fait. À la K47, je l'ai tué par 3 aussi. Là. Ouais, j'ai tué par 3 ou ouais, par 4. Fallait pas réfléchir. Sur les deux dernières minutes, fallait juste run, fallait pas fouiller ou quoi. Moi j'avais plus rien. Mais bon, à un moment, moi j'avance, on est à se bloquer quoi. Ouais, mais si on avance, qu'on est tous les quatre au même endroit, ah, on, oui, on bloque. Oui. Ouais. Et s'il y a la robe qui est arrivée, je pense qu'on peut quand même. Enfin, ça dépend sur qui ça tombait, mais. Si elle est tombée sur moi, la robe, je peux quand même bien l'exploser, je pense. Dommage!